Dans Amour. La belle au bois dormait, Cendrillon sommeillait. Madame Barbe Bleue, elle attendait ses frères. Et le petit poucet, loin de l'ogre si laid, se reposait sur l'herbe en chantant des prières. L'oiseau couleur de temps planait dans l'air léger qui caresse la feuille au sommet des bocages. Très nombreux, tout petits et rêvant d'ombrager, semaille, fenaison et les autres ouvrages. Les fleurs des champs, les fleurs innombrables des champs, plus belles qu'un jardin où l'homme a mis ses tailles, ses coupes et son goût à lui, les fleurs des gens, flottaient comme un tissu très fin dans l'or des pailles, et, fleurant simple, ôtaient au vent sa crudité, au vent fort, mais alors atténué, de l'heure où l'après-midi va mourir. Et la bonté du paysage au cœur disait « Meurs ou demeure ». Les blés encore verts, les seigles déjà blonds, accueillaient l'hirondelle en leur flot pacifique. Un tas de voix d'oiseaux criaient vers les sillons si doucement qu'il ne faut pas d'autre musique. Podane rentre. On bat la retraite, écoutez, dans les états voisins de Riquet à la houppe, et nous joignons l'auberge, enchantée, esquintée, le bon coin où se coupe et se trempe la soupe.